بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس التاسع عشر بعد المئة 119e leçon. Toujours dans ce qui est relatif aux règles de la zakat, les règles alimentaires et brièves. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في السؤال الرابع وثلاثين بعد تسعمية 934e question. ما هي الأصناف من المزروعات والثمار التي يجب فيها الزكاة؟ Donc maintenant, après qu'il citait la dernière fois les animaux, les formes d'animaux dont on sort de la zakat, maintenant il sort quels sont les produits agricoles desquels on sort la zakat. Donc, قال أربعة أصناف. Ce sont les quatre catégories. التمر, les dattes. الزبيب, le raisin sec. الحنطة, qui est le blé. والشعير, qui est l'orge. Les dattes, le raisin sec, le blé et l'orge. Naam. Et le dalil, c'est le hadith d'Abu Moussa et Mu'az ibn Jabal. Radiallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba'athahuma ila al-Yaman fa'amarahuma an yu'allima an-nas amr dinihim wa qala لا تأخذ في صدقتي إلا من هذه الأصناف الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم a envoyé Mu'az ainsi qu'Abu Moussa au Yémen en tant que prédicateur, il leur a ordonné d'enseigner aux gens ce qui touche aux choses qui touchent à leur religion. Il leur a dit par rapport à la zakat, ne prenez de la zakat que de ces quatre choses, ces quatre catégories qui sont, ce qu'on a cité auparavant, l'orge, le blé, le raisin sec et les dattes. Naam. Thumma qal fi su'al, je me souviens pour le bruit, je suis avec des fenêtres ouvertes à côté de moi. Donc il se peut qu'il y ait des bruits, on entend des enfants, des voitures, ou la circulation, ou des gens qui parlent. Hada, c'est normal. Tamam. Naam. Fa qala fi su'al al-khamis wa 30 ba'd tis'amiyya. 935e question. Kam nisab hadhihi al-mazru'at wa al-thimar? Maintenant, il dit quel est le quota à atteindre pour que ces produits, on en sorte la zakat. D'accord ? On en sorte la zakat. Donc il dit Nisabuha khamsatu awsuq. Que leur nisab, leur quota, c'est 5 awsuq. 5 awsuq. Et le wusq, qu'on appelle un seul wusq, c'est équivaut à 60 sa'. 60 sa'. Et un sa', ça équivaut à 4 puisées de deux mains jointes des mains du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 4 puisées, c'est-à-dire les mains jointes, les deux mains jointes, lorsqu'on puise dans quelque chose, on le fait 4 fois. Ça, c'est un sa'. D'accord ? C'est connu. Quand Zakat al-Fitr, par exemple, à la fin de Ramadan, c'est un sa'. Et bien là, dès qu'on atteint 60 sa', on atteint un wusq. Et la zakat, c'est 5 awsaq. 5 fois ça. Naam. Donc, le dalil, c'est le hadith de Abu Sa'd al-Khudri, radiallahu anhu. Et le shahid du hadith qui est mutafaq alayhi, c'est qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam laysa fi ma dun khamsat awsaq sadaqah. Qu'il n'y a pas de ce qui est en dessous de 5 awsuq, il n'y a pas de domoun à sortir. Il n'y a pas de sadaqa, de zakat à sortir. De tout ce qui est en dessous de 5 awsuq. 5 awsuq. Et on a expliqué c'était quoi la quantité qui était désignée dans. Qui était voulue dans ce hadith. Thumma qala fi su'al al-sadis wa thalathin ba tis'amiyya. 930e question. Kam al-wusq. Et là, on vient de le dire. C'est quoi la quantité d'un wusq? Un seul wusq. On vient de le dire. Qui équivaut à 60 sa. Thumma qala fi su'al al-sabi' wa thalathin ba'd tis'amiyya. 937e question. 937e question. Kam iqdar zakat al-mazru'at wa thimar. Maintenant, combien doit-on donner? D'accord? Quelle quantité doit-on retirer et donner en zakat de ces produits agricole. Donc la réponse est ma kana yusqa min as-sama aw al-uyun aw bidun mu'na fihi al-ushr. Donc c'est tout ce qui a été arrosé par l'eau de la pluie ou par l'eau des sources, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin que son propriétaire se charge d'arroser ses champs, ça s'est fait naturellement, lui il sort un dixième de ses récoltes. Un dixième de ses récoltes. Et ma kana yusqa bimu'una wa kulfa fa fi nisf al-ushr. Et par contre, ce qui a été arrosé, d'accord, entretenu par la main du propriétaire, c'est-à-dire qu'il s'est chargé de ramener de l'eau, de creuser des puits et ce genre de choses, c'est-à-dire l'eau ne vient pas naturellement d'elle-même, lui, c'est la moitié du dixième de ses récoltes qui sort. Car il y a plus de travail. Il y a plus de travail, il y a plus d'éreintant. Donc il sort la moitié du dixième. Et le dalil, c'est le hadith de Abdullah ibn Omar, radir anhuma, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, qala, fima saqat as-samaw wal-uyun, aw kana athriyan al-ushr, wa ma suqiya bil al-nadhi nisf al-ushr, apporté par le Bukhari. Donc le hadith, c'est ce qu'on vient de dire là, qu'il l'a dit, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qui était abreuvé ou arrosé par la pluie ou pour les sources, ou el zalika, on en sort le dixième, pour donner en zakat. Et tout ce qui a été arrosé par la main du propriétaire, il en sort la moitié du dixième. La moitié du dixième. Thumma qal, fi su'al athamin wa thalathin batishmiya, 938e question, il dit man huwa alladhi yumathal lahu yawm al-qiyamah shuja'a akra' yani thu'ban law zabibatan yutawwiquhu wa yulzimuhu, qui est celui pour qui son argent sera sous forme d'un serpent immense qui aura ce qu'on appelle zabibatan. Il y a différentes interprétations, certains disent que ce sont de deux grands crochets, d'autres disent que ce sont deux taches au-dessus des yeux du serpent, et d'autres disent que ce sont comme deux cornes. Il n'y a pas vraiment de, j'ai pas trouvé vraiment d'explication claire. Il y a divergence par rapport au mot Zabibatan ici. En tout cas, c'est un serpent immense qui va le ceinturer, l'encercler et qui va rester sur lui. Et ce serpent représente l'argent de la zakat qu'il n'aura pas donné. Comme dans le hadith de Abdullah ibn Omar, qu'a dit le Rasoulullah إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان قال يلزمه يتوقه ويقال ويقول له أنا كنزك وأنا كنزك. Donc il sera pris justement, le hadith dit bien que celui qui ne donne pas sa zakat, son argent lui sera représenté comme un serpent qui le mordra au flanc. Dans d'autres versions du hadith, ça a été cité, un serpent géant qui va l'encercler, le serrer avec ses anneaux. D'accord, et qui le mordra et qui dira je suis ton trésor, c'est-à-dire tout ce que tu as emmagasiné comme argent et que tu n'as pas donné, c'est moi. Donc cela fait peur, cela est effrayant, qui montre que celui qui ne donne pas la zakat encourt un très grand châtiment. Et sur la menace d'un très grand châtiment. Et on avait pris dans les hadiths précédents que cela ne veut pas dire que c'est du kufr, tork es zakat, à part celui qui dit que ce n'est pas obligatoire, qui renie le côté obligatoire, c'est autre chose. Du houdan, lui il est mécréant dans à l'unanimité. Là, on parle de celui qui ne donne pas par radinerie, par exemple. Il est avare. Il ne veut pas donner. Il a, mais il ne veut pas donner. Voilà ce qu'il encourt comme châtiment. Wali azbillah. Thumma qala fi su'al ta'si' wa 399 question. Ma smu as-sadaqa allati tu'ta fi akhir ramadan. Quel est le nom justement de cette zakat que l'on donne à la fin de ramadan? Et c'est zakat al-fitr, on l'appelle. Celle-ci qui est normalement se donne entre le Maghreb, la première nuit de Shawwal, juste avant la Salat, le lendemain du Eid. C'est dans ce créneau horaire, dans ce temps-là, qu'elle doit être donnée. Et selon des faits de Sahaba, il est autorisé, pour celui qui ne craint de ne pas avoir le temps, de la donner un ou deux jours à l'avance. C'était parmi les faits de Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, et on ne connaît aucun Sahabi qui l'ait contredit en cela. Donc de là, les ulama, ils ont dit, celui qui craint de ne pas trouver le temps de donner sa zakat al-fitr à temps, il la donne, il a entre la nuit, les deux nuits précédentes, le premier de Shawwal. Voilà. Après, il dit في السؤال 40 questions. Quel مقدار زكاة الفطر? Maintenant, quel est justement le quota de cette zakat, sa quantité? Et quand est-ce qu'elle doit être donnée? Donc on dit, c'est, on l'a expliqué tout à l'heure, c'est un sa' de bourg. De bourg, c'est le bourg, c'est un peu comme... c'est du blé. Le bourg, c'est du blé également. Ou du charrière de l'orge. Ou des raisins secs. Ou de dattes. Ou de nourriture. D'accord? Nourriture qui est répandue dans le pays. C'est-à-dire ce que les gens mangent. Qui est connue comme étant la nourriture du pays. D'accord? C'est ça qui est légiféré. Quant à ce que les gens font en la donnant en argent directement, cela est une chose qui est innovée, qui n'a pas d'origine chez les sahabas ni chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et comme a dit Aïcha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Ceux qui apportent dans notre religion une chose qui n'en fait pas partie, cela est rejeté. Maintenant, certains ulama ont vu la permission, mais leur avis est incorrect. D'accord? Leur avis est incorrect, ils s'opposent aux preuves. Et il n'y a aucun dalil démontrant que les sahabas ont sorti de l'argent en zakat al-fitr alors que l'argent était présent à leur époque. Et les pauvres également, les gens disent que les pauvres ont plus besoin d'argent que de nourriture. On dit à leur époque il y avait des pauvres, et les pauvres de leur époque étaient encore peut-être plus pauvres que les pauvres de maintenant. Et pourtant, ils leur ont pas donné en argent, ils leur donnaient en nourriture. Donc c'est ça la sunna. D'accord ? Et ceux qui donnent en argent, cette zakat ne sera pas considérée comme valable. Elle ne sera pas considérée comme étant valable. Et Gazalik, cette zakat fitr est obligatoire pour chaque musulman, et c'est, comment dirais-je, le mas'oul, celui qui est leur tuteur, qui se charge de la sortir, c'est-à-dire le mari, il sort pour sa femme et ses enfants, par exemple. Tous ceux qui sont à sa charge. Naam. Et le dalil, c'est le hadith d'Ibn Omar, radiallahu anhu, qu'ala, فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة متفق عليه. Qu'il a dit Ibn Omar que le Nabi صلى الله عليه وسلم a rendu obligatoire la zakat du fitr. Elle équivaut à un sa', on a dit 4 puisées de 2 mains jointes, de dattes, ou un sa' de d'orge, ou un. Et ceci est obligatoire même pour l'esclave et pour celui qui est libre et pour l'homme comme pour la femme, pour le petit comme pour le grand parmi les musulmines. Et qu'il a ordonné qu'elle soit donnée avant que les gens ne se rendent à la salat. C'est-à-dire que cette zakat doit être donnée avant la salat. Si elle est donnée après la salat, ça devient une sadaqa normale et n'est plus considérée comme étant une zakat du fitr. Naam. Fahadha alladhi aradna al-yom. Et on a oublié de préciser que les produits agricoles dont on sort la zakat, il n'est pas conditionné qu'ils durent pendant un an avec toi. Ça, ce n'est valable que pour l'argent et pour le bétail. Mais pour ces produits agricoles, c'est dès que la récolte elle est faite, vous voyez, dès que la récolte elle est faite, c'est de là qu'on sort cette zakat. Donc on est à là. وَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُصْرِفُوا إِنَّهُ يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ. C'est-à-dire que sortez à la part lorsque la récolte est atteinte. هذا الذي رمى اليوم فبيد الله قد نكتفي والحمد لله رب العالمين.